Un homme est projeté dans le futur. Tout le monde a basculé dans la non-croyance aux religions. Et tous sont végétariens, les animaux sont libres. C'est l'autogérance, l'argent n'existe plus. Il y a eu l'effondrement des capitaux. Les classes sociales ont été inversées jusqu'à l'anéantissement total des gouvernements. L'espérance de vie a été rabaissée. Les vieux qui dirigeaient ont été exécutés. Et les jeunes éduqués au savoir de la vie, de l'être, de la fraternité entre espèces. Au début, ce fut une dictature impartiale. Il a fallu tuer tous ceux qui pensaient au pouvoir, à l'orgueil. Et au fur des générations, le savoir a accompli son œuvre pour enfin être libre. Il a fallu détruire le patrimoine, savoir l'histoire, la vraie, et faire évoluer l'individu, non plus sur le pouvoir, la compétition, mais l'entraide. Il n'y avait que comme ça qu'on a pu sauver la planète de notre folie. Ce fut longtemps une utopie, c'est vrai, qu'il a fallu lutter, tuer les pouvoirs, comme une dictature, comme le ferait une dictature, comme le ferait une dictature. Mais c'était dans le bien des générations futures, de l'ordre naturel, pour sauver les espèces, pour sauver la planète, et tout ce qui s'y trouve dessus. Tuer le mauvais, débroussailler le mal pour enfin l'harmonie. Acquérons le frère et non le rejet, la différence. Oui, mais pourquoi agir ainsi? Car c'est la seule mutation de l'être qui est honorable. Honorable, honorable, et qui fait survivre cette terre. Il faut des sacrifices aussi bien moraux que physiques pour aider, et non bannir, bannir, bannir, bannir, bannir, bannir, bannir, non bannir, bannir, bannir, bannir.